rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Gizmo. Et c'est parti pour une nouvelle semaine de Planète Rap avec celui qui est numéro 1 des ventes, monsieur Gizmo, ouais, comment va? On est là au calme. T'as vu numéro 1 des ventes? C'est la folie ou pas? À peine sorti aujourd'hui, bim, numéro 1. YTW, on fait que de la perf, hein, on a toujours fait que ça. Ça va aller de plus en plus fort, hein, tu connais. Bon, tout va bien dans ta ruche? Ouais, ça va dans ma ruche, au calme. Bon, c'est vrai qu'on t'avait laissé, tu sortais à l'époque un album tous les 6 mois. Ouais, mais là j'ai pris mon. Là temps. T'as pris un peu plus de temps? Ouais. Ben, c'était bien, c'était un break dont j'avais besoin, reprendre un peu d'inspi, tout. Tu vois, retourner aux sources, comme on dit. Donc voilà. Qu'est-ce que t'as fait alors pendant tout ce temps? Évidemment, j'étais dans ma ruche, gros. J'avais besoin d'être dans ma ruche. Après, l'album, comment je l'ai fait? J'étais beaucoup en studio, on a beaucoup bossé. C'était plus vers la fin de l'album que j'étais ruché. Mais j'étais ruché au studio aussi quand je faisais l'album, tu vois. Quand tu dis ruché, c'est se mettre dans sa bulle, dans chez soi, ou en studio et. Et écrire beaucoup. Ou même en bas de la cité, t'es pas sorti de ton quartier, t'es dans ta rue. Voilà, tu bouges pas. Ça, voilà. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et bon, on va pouvoir découvrir le résultat cette semaine entre 20 et 21. Ouais. Et on a préparé pour ton arrivée un medley justement de cet album qui est un album fourni, hein, parce que je crois qu'il y a une édition collector aussi. Une édition collector avec 5 morceaux offerts et 3 prods. Donc, 3 ou 4 prods. Donc, un gros album de Gizmo qui s'appelle Dans ma ruche, qu'on découvre. Et on a préparé d'ailleurs cette semaine, pour débuter la semaine, un medley de ce qu'on peut trouver dans cet album. C'est parti. On s'est dit qu'on arrête tout dans 10 ans. Maman, s'il te plaît. Planète Rap. Yo, Jiggity Check, c'est Gizzy Ouzou dans Planète Rap. On s'est dit qu'on arrête tout dans 10 ans. Love de l'alcool et shit. On se retrouvera quand on aura 30 ans. Dans un bar glauque ou dans la street. Planète Rap. Motherfucker, je traîne en bas du bloc. Tu crois quoi? Je me ferai jamais balance par un mot. Affranchi des galères, garanti d'être à sec. J'attendrai mes aspects. Planète Rap. Quand tu crois que t'as besoin de personne, tu te rends triste, tu t'enivres et tu te questionnes. Perdu en ville, tu t'enlises, t'es pas en pleine forme. Car tu te rends triste quand tu crois que t'as besoin de personne. Ouais. Je suis dans ma sphère, génération 91. Piaf, bicrave, on a du détail, pas besoin de cons. Moi j'ai prié avec foi, ma ville est avec moi. On a la M comme dans la squale, cousin, ma cité va qu'écrase. C'est l'homme qui a peur, c'est l'homme qui a peur. Mes gremlins sont dans le zoo. On arrive de l'en dessous et on fout le hell. Planète Rap. Ça bouge pas. En visée alcoolisée au milieu de nulle part. Normal. J'dors pas. Et puis c'est tout. Moi j'suis comme ça. Ma ruche et ça bouge pas. En visée alcoolisée au milieu de nulle part. Normal. J'dors pas. Et puis c'est tout. Planète Rap. On s'gare. W, vas-y, venez les soulever. On est comme la coque, on va vous passer sous le nez. YW, vas-y, venez les soulever. On est comme la coque, on va vous passer sous le nez. Planète Rap. Le ciel fait tourner la Wii. On a besoin de s'évader. Juste le son, nos potes et nos familles nous aident à surmonter nos galères. Vise le ciel fait tourner la Wii. On a besoin de s'évader. Juste le son, nos potes et nos familles nous aident à surmonter nos galères. Je suis conscient et je m'en rends compte. C'est que maintenant que j'en vis, la brute qui mord et meurt en grande pompe. Laissez-moi au veto, la picouse a plus de dignité. Assis, couché, tout ça on faisait marcher. On m'a tatoué pour faire plus dur et battre les imbéciles qui se foutaient de mon futur. Je me sens seul, plongé dans l'oubli. Cette vie m'intéresse plus, je me surprends en vie exploue. Voilà, Gizmo et l'album qui est sorti aujourd'hui. Nouvel album de Gizmo de retour dans les bacs. C'est un aperçu de ce qu'on pourra entendre sur l'album. Mais il y a beaucoup de morceaux. Alors c'est vrai que moi, que dès qu'on a entendu des premiers morceaux de cet album qui arrivait là dans ma ruche, on s'est dit, ah, Gizmo un peu mélancolique, un peu tristoun sur les premiers extraits. Et quand t'écoutes, il y a d'autres choses, hein, aussi sur l'album. Comme tu l'as dit, il est fourni l'album. C'est-à-dire, Ça passe du coq à l'âne comme dans une partouze à la ferme, mon pote. Ouais. Tu vois, c'est jamais. C'est les montagnes russes. Mmh. Mmh. Donc, ouais, il y a plein de choses dessus. On va pouvoir le découvrir cette semaine entre 20 et 21. Ouais, ouais. On débute avec un morceau, Gizmo ? Ouais, avec dans 10 ans. Là où t'arrêtes tout ? C'est, ouais, c'est là où j'arrête. Non, ou peut-être que j'arrête pas et que je finis mal. Voilà, voilà, c'est ça. On peut l'écouter des deux façons. Allez, on l'écoute maintenant sur Skyrock, c'est Gizmo. Ouais. Zone sensible, Yoni Willy Willy Yoni. Ma mère va m'enterrer à 31. Parce que j'ai niqué mon foie, mon pancréas. Sors ton pocheton, vas-y on s'en fait un. On est beau, on est jeune, on réalise pas que ce sera la merde le jour où ils légalisent la beuh. Mais pour l'instant je m'en fous, j'ai que 21 piges, des joints et du bif. Au bois de 27, je vais me rincer une bif. Et j'irai boire histoire de noyer mon chagrin. Maman culpabilise pas, t'as bien choyé ton gamin. Mais je me sens seul et le monde est froid, il est glacial. Alors je suis de ceux qui ouvrent leur gueule et qui font des choix. Alors oui, j'ai choisi de me guédro. Une sale mine, le véto, la fatigue, le métro. Des nuits entières à réfléchir dans le vide. À sentir mon foie se rétrécir dans le vide. Ouais, je me la colle en cachette gentiment. Ce sera sûrement trop tard si j'arrête dans 10 ans. On s'est dit qu'on arrête tout dans 10 ans. Love de l'alcool et shit. On se retrouvera quand on aura 30 ans. Dans un bar glauque ou dans la street. On s'est dit qu'on arrête tout dans 10 ans. Love de l'alcool et shit. On se retrouvera quand on aura 30 ans. Dans un bar glauque dans la street. Et nos parents pleurent des rivières. À force de venir voir leur fils au parloir ou au cimetière. Ouais, nos parents pleurent des rivières. À force de venir voir leur fils au parloir ou au cimetière. Ouais, il sera sûrement trop tard. Avec un ulcère et les poumons percés. Mes adultères et mes millions de péchés. Et y'a tout ce monde perché, la coke est à la mode. Je vois que ma cote est en descente, donc je vais me droguer à la mort. Parce que si j'arrête dans 10 ans, j'accumulerai les dettes de jeu. Fréquenterai les dièses de gueux chez les divans. Fini le gizmo avec des groupies et des fans. À force de tout pillable, j'ai déclenché un truc irrémédiable. J'aurais pris le melon, lâché ma meuf pour une tasse paix de passage. Insomniaque mort vivant, j'oublie ce que ça fait de pas chable. J'ai tourné le dos à tous mes potes, je t'explique les choses. La solitude a tellement de charme dans un fixe d'héros. 21 ans c'est bien trop tôt pour les feux. La rampe. On fait semblant de kiffer nos vies. En vrai, on veut que ça change. J'irai trouver ma rue, vendrai mes sachets en silence. Si j'arrête dans 10 ans. On s'est dit qu'on arrête tout dans 10 ans. Love de l'alcool et shit. On se retrouvera quand on aura 30 ans. Dans un bar glauque ou dans la street. On s'est dit qu'on arrête tout dans 10 ans. Love de l'alcool et shit. On se retrouvera quand on aura 30 ans. Dans un bar glauque ou dans la street. Je vais foirer ma carrière. Willy va me jeter du label, déboussolé, j'irai me buter avec les reflets du cartel. Et puis le shit me fera plus rien. Ce sera pas assez, complètement ravagé. Je me vois tirer sur un cul de joint. Je me vois voler ma mère, lui mentir. Genre croise-moi de l'argent, une dernière dose. Et je vais ressortir. Si j'arrête dans 10 ans, j'oublierai ce que mon père m'a dit. De ma carrière jusqu'au verbatim, j'aurais provoqué ma chute. Une fois tombé dans le piège, j'apprécierai la neige. Quand mes potes vont me proposer la louche, trop zoné ça tue. Et une décennie ça passe trop vite. Je réfléchis, j'ai pas de logique, dépressif et hal. Alcoolique et je rédige des tas de folies. Même si j'ai laissé tomber, j'aurais préféré qu'on dise de moi. Merde, ça fait plomber. Je sens un mal-être grandissant. Ainsi sera ma fin si j'arrête dans 10 ans. On s'est dit qu'on arrête tout dans 10 ans. Love de l'alcool et shit. On se retrouvera quand on aura 30 ans. Dans un bar glauque ou dans la street. On s'est dit qu'on arrête tout dans 10 ans. Love de l'alcool et shit. On se retrouvera quand on aura 30 ans. Dans un bar glauque ou dans la street. Et nos parents pleurent des rivières. À force de venir voir leur fils au parloir ou au cimetière. Ouais, nos parents pleurent des rivières. À force de venir voir leur fils au parloir ou au cimetière. Ah, Yoni Willy Willy Yoni, et tu le sais. Ziggy sonne sensible jusqu'à l'infini. C'est extrait de l'album Dans ma ruche, le nouvel album de Gizmo à découvrir cette semaine entre 20 et 21 et donc ce morceau dans 10 ans. Ouais, ouais. Dans 10 ans, dans 10 ans. On espère que ce sera tout arrêté en même temps. Ben, j'espère aussi. Mais c'est un thème qui revient souvent d'ailleurs. C'est toujours ce côté bien et mal en toi. Est-ce que. Ben, toujours. Est-ce qu'il faut continuer pas parti. Je raconte la vérité. Les choses qui nous font du bien, les choses qui nous font du mal. Là, t'es dans quel état d'esprit d'ailleurs? Tu l'as fait comment cet album? Ça dépend. Franchement, vu que j'ai mis du temps, il y a des moments où j'étais bien, des moments où j'étais vénère, des moments où j'étais triste, tu vois. Il y a eu plein de sentiments différents. Ouais, c'était un périple un peu. Il t'a paru compliqué à faire celui-ci? Pas forcément compliqué, c'est autres. Ce qui se passait en même temps, tu vois, dans ma vie privée, pendant la conception de l'album qui était mouvementée, tu vois. Donc voilà. Bah écoute, c'est. Mais là, ça va au top, toujours. C'est quoi? C'est une année de vie de Gizmo, un peu, cet album aussi? Ouais, c'est ça. C'est ça? C'est ça, ouais. C'est un peu ça. On est dans le vif, là. Qu'on peut découvrir et qui plaît déjà à plein de gens. Tiens, dites-nous quels sont vos morceaux préférés, puisqu'il est sorti là aujourd'hui. Yeah, yeah. L'album de Gizmo, envoyez des messages 41759. On a été faire aussi un petit tour sur le net, Gizmo. Tu me dis vrai ou faux, hein, c'est tout ce qui circule sur le net, tout ce que. Il y a tout et n'importe quoi, ouais, tu vois. Le premier truc, par exemple. Tu as appelé ton album dans ta ruche parce que tu as une passion pour les abeilles. Hein. Il y a un peu de tout et n'importe quoi. C'est faux ça. Ça c'est faux, c'est n'importe quoi. Pas ouais. Une passion particulière dans la ruche, c'est justement, ça peut être le quartier. Ouais, voilà. C'est la maison. C'est ça. L'environnement quoi. Ouais, exact. Vrai dans l'environnement dans lequel tu te sens bien, dans en sécurité, tu vois. Vrai ou faux, tu t'es mis au sport pour garder la forme? Faux. Oh. Faux. Mais attends, toi, t'as un physique, ça va? C'est pas un physique ou avec tout ce que tu t'enfiles quand même, on pourrait dire que. Tu vas grossir, mais non? Non. Toujours pareil. Tu gardes la ligne. Ouais, tu gardes toujours la ligne en même temps. Ah, mais c'est traître. T'arrives à 30 piges, tu vois un truc qui commence à pousser, tu regrettes après. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour l'instant, ça va, je connais. Vrai ou faux, tu as été influencé par la Scred, NTM, IAM, le secteur 1? Ouais, c'est totalement vrai. Ouais, ça, c'est. Voilà, c'est les grosses influences. Mais je crois que c'est vrai pour tous les rappeurs de mon âge, hein, de toute façon. Vrai ou faux, tu es toujours à Villeneuve-les-Garennes? Faux, vrai, ça n'est pas autant qu'avant. Moins, ouais. Mais ouais, vrai, je peux me trouver là-bas encore de temps en temps. Vrai ou faux? Alors, ça, c'est un truc que j'ai lu sur le net. Je sais pas si justement je vais le confirmer ou infirmer. Parce qu'on n'en a jamais parlé justement dans les planètes rap, les différents planètes rap qu'on avait fait. C'est lors de ton passage en prison que tu t'es décidé à faire du rap. Jamais, je suis pas Tupac. Ouais, c'est ça. Non, c'est de la merde, ça. C'est, donc, t'es ça, c'est des vieux larcins. Tu restes vite fait, t'as même pas le temps de te trouver une vocation. Donc c'est pas là où t'as eu envie. Mais par contre, t'as fait. C'est mon grand frère. Voilà. Ça, c'est mon grand frère qui m'a ramené le rap. C'est ça, c'est le grand frangin. Aucunement, ces conneries-là. Vrai ou faux, tu produis de jeunes artistes désormais? Que je produis, non, mais que j'aide un peu de temps en temps, tout ça, ouais, c'est vrai ça. Il y a du monde un peu là. Ouais, un type de notre écurie, si je peux apporter un peu de mon expérience, de ce que je connais dans la Zikmu, tout ça. T'as vu, moi, coup de pouce, j'aime bien. Je suis quelqu'un d'assez fraternel avec les plus petits que moi, ça veut dire ils font le même boulot que moi. Je sais que c'est pas un boulot facile. Si on peut se faire 2-3 passes, t'as vu, moi j'envoie, même si eux ils m'envoient, c'est une bonne passe, hop, je reçois. L'important c'est qu'on mette des buts, tu vois. Bon, l'écurie, on le rappelle pour ceux qui ne savent pas encore, c'est Yoni Willy. Ouais, toujours la même équipe, toujours. Ça a pas changé. Ils sont bien dans l'écurie, dans ouais, la ruche de Yoni Willy. Ouais, calme. Bon, on va découvrir l'extrait, justement, un extrait de cet album qui est dans les bacs depuis aujourd'hui. Je crois que c'est Papyrus, c'est ça? Papyrus, ouais. Exact. Ouais. Ah, ou La vie est un thème, comme tu veux. Ouais, mais Papyrus, non. Ouais, La vie est un thème, mon cas, vas-y. Dans l'ordre? Ouais, La vie est un thème. La vie est un thème, c'est ce qu'on écoute maintenant. Vos réactions à Gizmo, et tiens, dites-nous vraiment, ouais, vos morceaux préférés de l'album. Qu'est-ce qui tombe, la 41759? Allez-y, 41759. Et avec le hashtag Gizmo sur Skyrock. Tu peux gagner. Avec les boucles V, Ouzou, Gizzy, oh. Yo, pardonnez tous mes péchés, je sais pas combien j'en ai fait. Il y en a eu plein et j'ai dû zapper, en effet. Accoutumé à cette routine qui nous déplaît. En fait, c'est jamais la quitter qui nous effraie. Tout ce que tu vois, l'oncle reprend. Si c'est pas le cas, bah tu dépenses dans des futilités. Comme aller tout niquer sur l'échange, j'y trouve. Rien d'alléchant, j'éprouve un truc oppressant. Mes doutes sont devenus pesants, j'étouffe et ça me stresse. En fait, c'est le manque d'amour et l'orgueil qui nous ont blessés. C'est le poil, pas le mental qu'ils ont dressé. Le temps, c'est de l'argent, comprends que certains soient pressés. Je me surprends même à regarder l'heure dans les WC. Peut-être qu'il nous reste qu'un jour à vivre, qu'une cigarette à fumer. Qu'un moment avec l'ami, plus qu'une seconde à lutter. J'ai fait un rêve, on était bien, on était plein. Y'a pas thème parce que la vie en est top. Peut-être qu'il nous reste qu'un jour à vivre, qu'une cigarette à fumer. Qu'un moment avec l'ami, plus qu'une seconde à lutter. J'ai fait un rêve, on était bien, on était plein. Y'a pas thème parce que la vie en est top. Y'a pas que dans les cités que les gens se font agresser. Non. Les petits bobos s'en canaillent une fois sous ses fées. Merde. Quant à ma mère, le paradis est sous ses pieds. Il faut de la maille, j'sais pas ce que c'est qu'un sous les pieds. Mais j'sais qu'ici ça défile la 200. Ça fume la weed, le monsieur, non c'est pas méchant. Même s'il est bleu trac, ce qu'on a caché entre les gens. Ils nous appellent les parasites, le genre duquel il faut se méfier. Encloisonné dans des bâtiments délaissés. On n'a pas peur de se mouiller, pourtant les cours on a séché. Un prof c'est bien, c'est mieux un frère qui vient prêcher. Plus d'une fois par l'état, je me suis senti lésé. Et j'en remets une couche parce que ça m'a fait chier. Peut-être qu'il nous reste qu'un jour à vivre, qu'une cigarette à fumer. Qu'un moment avec l'ami, plus qu'une seconde à lutter. J'ai fait un rêve, on était bien, on était plein. Y'a pas thème parce que Si on est top tête, qu'il nous reste qu'un jour à vivre, qu'une cigarette à fumer, qu'un moment avec la mif, plus qu'une seconde à lutter. J'ai fait un rêve, on était bien, on était plein, on était plein. Y'a pas thème parce que la vie en est à combien de rêves. Ouais, mais ce qu'on s'est malheureusement resté perché. À trop suivre le mouton, on s'éloigne du berger. Faut vous y faire nos viscères à PSG. C'est viscéral, un peu comme disait PLG. 92, messieurs, mesdames, oui, c'est du sale, mais c'est mes amis, c'est mes gars du Sénégal et du Maghreb jusqu'au Mali. Et je déconseille fortement à quiconque de venir tester. Venir tester. On a la dalle, si tu veux drive, faut te dépêcher. Faut te dépêcher. Évidemment, à vivre comme ça, on est stressé. On est stressé. Certains se réveillent en se demandant où je vais crécher. Où je vais crécher. Papa me faisait la morale, fonce des sous d'espèce. Si j'avais su, peut-être que je l'en aurais empêché. Peut-être qu'il nous reste qu'un jour à vivre, qu'une cigarette à fumer, qu'un moment avec la mif, plus qu'une seconde à lutter. J'ai fait un rêve, on était bien, on était plein. Y'a pas thème parce que la vie en est top. Peut-être qu'il nous reste qu'un jour à vivre, qu'une cigarette à fumer, qu'un moment avec la mif, plus qu'une seconde à lutter. J'ai fait un rêve, on était bien, on était plein, on était plein. Y'a pas thème parce que la vie en est top. La vie en thème, boy. Y et W jusqu'à l'infini. Gizi Ouzou pour les miens et tous les autres. Kanda frérot. C'est Gizmo avec nous entre 20h et 21h. Ouais. À l'instant, la vie est un thème. C'est à découvrir toute la semaine entre 20 et 21. L'album qui est sorti aujourd'hui. Alors évidemment, on peut le commander tout de suite, hein, via iTunes notamment. Ouais. Allez-y, cliquez. Sinon, il y a un coffret collector aussi. Il y a le coffret collector, tiens, qui arrive. J'en ai ramené un pour toi. Ah. Attends, j'enlève mon casque. Vas-y, vas-y. Merci. Donc un coffret collector qui est pareil. Oh là, ah oui, c'est une belle boîte. Mais ça, c'est un sacré cadeau de Noël. Ah, mais tu veux que j'ouvre? Non, j'ouvre là. Noël, ok. Bon, Gizmo dans ma ruche, nouvel album édition collector avec. Attends, je l'ouvre en direct. Ah, il est beau, c'est un beau coffret. Hein. Celui-ci pour les fêtes. Tu connais. Ça va vous faire plaisir. On fait tout dans l'esthétique. Dans ma ruche. Hop. C'est galère à ouvrir, Momo et moi. Bah, mais ça, c'est parce que c'est pas Noël. Tu vas l'avoir à Noël, ils vont le déchirer, sa race. Voilà. Non, mais j'ai pas envie de l'abîmer, regarde. Ah, bah, ouais. Hop. Avec casquette. Tu la mets pas hein. Ouais, voilà, voilà, petite casquette pour tes émissions, oui, là. T'es BG. Parfait. Hop. Ah ouais. Bon, attends. Je desserre un peu le truc, quand même. Faut que je desserre un peu le truc. Terrible, putain. Joli comme tout. Avec l'album dans ma ruche. Ouais, mon pote. Qu'est-ce qu'il y a? Tu seras assorti à ta table et tes micros. Voilà, tu as vu ça? Calme. Je vais la mettre. Tiens, je vais m'en occuper là pendant le morceau. Mais là, on évidence. Et on va bien la mettre là, voilà. Dans ma ruche, l'album de Gizmo en version donc collector pour ceux qui aiment bien l'objet, avoir l'objet. Yes, yes. Toi, c'est plutôt quoi d'ailleurs, Gizmo? Moi, je suis plutôt collector, objet ouais, aussi, moi, ouais. T'aimes bien avoir l'objet, t'aimes bien voir ce qu'il y a à l'intérieur du CD. J'avais volé mon album à Because là. Et j'ai essayé de voler ça, mais on pouvait pas rentrer ça sous le manteau, ça, c'était compliqué. Ah, donc j'ai dû risquer l'album. Mais sinon, je suis plus coffret. C'est à biper. Grillé. Non, calme. Bon, l'album de Gizmo, vous le découvrez cette semaine entre 20 et 21. Vous envoyez vos messages aussi à Gizmo, n'hésitez pas. Avec le hashtag Gizmo sur Skyrock. Il y a beaucoup de réactions, beaucoup de demandes pour des morceaux. Il y a notamment un qui revient, c'est Papyrus, qu'on va passer maintenant. Ouais. Tu veux dire un mot sur celui-ci, Papyrus? Papyrus, c'est vrai. C'est pur et dur Gizmo. Hein. Je raconte ma vie, pas de refrain, pas de truc. Tout ce que t'aimes. Instru lourd, vas-y, c'est parti. Allez, on l'écoute maintenant. Ce que j'aime, comme tu dis. Genre de mon sou avec un sou là à la bouche. Frappe ceux qui se foutent droit à la chenouf. Moi je me soulage à la douce. On passe du courage à la frousse. Tant de frères qui nous ont quittés. Gangsters souvent impliqués dans le stress et dans les cités. Quand père j'essaye d'exister sans faire de débilité. Je dis ça parce que j'ai fait rimer grande pierre et nécessité. Oh, on n'a pas le temps à tout vous dire. On crame l'Afghan. Ça taffe quand vous pioncez. Mais qu'à coup sûr on passera devant. Dites-moi où sont les fils de chien. J'arrive et que je puisse mon venin sans arrêt. On vise le chien. Car je veux plus que ce dont j'ai besoin. Ouais c'est toujours plus, toujours luxe. Flous pour brux, toujours frustré. Tout pour le succès. Pétave mon spleen, le repousse au lendemain. Tu t'interroges sur mon trip. Je te raconte que quand je reviens. Wow, wow, on en est où? Gros flow, au rendez-vous, trop haut. Je leur afflige des bobos, même sans les coups. Motherfucker, j'ai le truc qui peut disloquer la nuque. Vaut mieux pivoter, si tu t'isoler pour rigoler de ma chute. Baby, pourquoi tu casses les couilles? Ces petites brunes, c'est que des petites putes, des vides burnes à qui je fais des crasses, c'est tout. L2C, mon vieux, Lascar et RC, y'a des bâtards qui m'énervent. On a des 4 plaques sur les mers, okay. Des canards et des perroquets dans mon panorama. Je suis déjà bousillé moralement. Je veux tout ce que ces salauds ramassent. Et j'ai vraiment besoin d'un calmant, d'une rebier avec un camas. Et je sais pas si je rappe salement, mais je rappe que des trucs salas. Et ma petite gueule, ça sort de V9. Dis ce que tu veux, j'ai pris le seum, mais t'es pas Big Bun. Les types gueules veulent ma peau, mais ils se leur pris peur. S'ils cherchent midi à 14, on va leur dire l'heure. Mes gremlins, ils le savent comment j'ai flingué. Laser, mi, puis faire un bif, mec, j'ai commencé un dé. Avec tout ça, bah y'a pas le temps de faire le mat. J'trouve pas chaussures à mon pied, et j'ai 60 paires de Nike. Et j'vois qu'y'en a qui trouvent ça chouette. Jouer les bad boys sous alcool, ça fait pousser les couilles, mais ça retourne la tête. Saloperie de rap de merde. J'serai jamais ta pute, j'évite ta flûte. J'm'approprie grave le verbe. La bonne cycle, la BR. Les nuits blanches sous Biscana. Les dibans, les brigands. Pour 10 francs, ils niquent ta race. Flic et shit, et coke et crack. Fatigué à peine des deux. Hystérique avec les tracks. Si tu crois m'niquer, fais-le. Non mais oh, j'fous de la gueule de qui. À la base, j'suis juste le guise. Neuf de vie, neuf. Les petites meufs et puis les refs me kiffent. Tu peux pas me menacer de mort. J'ai déjà eu peur de vivre. Tranquillement, je cache mes forces dans une grosse vapeur de weed. À n'importe quelle heure, je tease. Ma génération aussi. Les yeux plissés par le shit. L'effet des castons aussi. Faut que tu m'achètes, c'est pas cher. Et ça va où? J'ai pas changé une baguette, un cachet et de la mayo. T'as pas compris, y'a les petits frères qui font du sale dehors. Ah putain, c'est sale, tellement sale, c'est plus du sale, c'est gore. On vient prendre le titre, et rien à foutre, ton empire est un major. On veut du fric, on est une entreprise. C'est pour les banlieues pauvres, c'est pour les banlieues riches. On est ensemble, c'est que du love, et je te le dis en deux rimes. J'avais un truc en tête, j'ai oublié à cause d'un trou de mémoire, causé par un pet, et ça me rend ouf des fois. Genre, je cherche les clés, elles sont dans ma poche. Et je te parle même pas de la biche, y'en a toujours dans ma sacoche. Bouzou Sigri, Sousan, Sigma, dans fuck up. C'est comme ça que je fais les choses, bébé. La banquise, vous êtes foutus, bébé. Yeah. À l'infini, vous êtes finis. Ce sera filmé. Papyrus à l'instant, c'est extrait de l'album Dans ma ruche, l'album de Gizmo que l'on découvre cette semaine entre 20 et 21. Ouais, bon gars, regarde, on a un petit je voulais faire juste un petit big up à un gars qui s'appelle Iso. Tu dois connaître sûrement parce que c'est un grand monsieur du rap, s'il est bassiste, derrière sa guitare, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Il est venu il n'y a pas très longtemps, avec Abdelmalik et Wallen. Il est passé Il a rejoint l'équipe YW avec son confrère David. Et c'est des mecs qui ont fait. Qu'on fait toute la prod de C'est l'homme qui a peur, c'est eux qu'on rejoue énormément de guitare et de batterie sur plein de beats, tu vois ce que je veux dire. On a beaucoup bossé ensemble sur le Bomal et notamment sur Papyrus, donc voilà, je voulais le dédicacer, le poteau Iso. Et David, ouais, aussi, big up. Un sacré musicien et qui a bien connu aussi tout le rap français. Déjà, c'est grâce à lui que Première Consultation, c'est devenu un classique, enfin en partie grâce à lui, tu vois. Bien sûr, donc, c'est un album que j'ai rossé, ça. Tu vois, je respecte énormément le boulot du frérot. Donc de l'avoir en studio, c'était un bon moment, je suppose. Ouais, c'était énervé, franchement, c'était bien. C'était super. Et je disais, ouais, il y a eu un petit sondage, puisque là, on balançait Papyrus, et je disais que ça faisait partie des morceaux les plus demandés. Ouais. À 34%, tu vois, c'est précis, hein. Les morceaux les plus demandés et les plus appréciés de ton album pour l'instant, mais tout peut changer, c'est dans 10 ans. En deuxième, il y a le silence à 20%, qui est beaucoup, beaucoup demandé. Le silence. Le silence. Non, c'est pas moi, ça. Arrêtez de vous tromper dans vos fiches, les mecs. Le mec me met le silence. Si c'est moi qui prends la SACEM, je veux bien. Bon, troisième, Papyrus à 16%. Quatrième, André, 10%. Pourtant, il y est, celui-ci, Papyrus. Non, attends, j'ai demandé ce qu'il a voulu dire par le silence. Et cinquième, le reste de l'album à 20%. Okay. Donc, dites-nous, continuez à balancer aussi vos messages, vos morceaux préférés. 41-7-5-9. 41-7-5. On l'a perdu, Fab, ou quoi? Ah, il est parti se cacher, je pense. Ouais, qui sera retrouvé le vite? Retrouvez vite, Fab. On balancera de quoi dans un instant, Guy, tu veux qu'on balance quoi? C'était quoi après? Ah, bah, ce que tu veux? J'ai plus, moi, après. Bah, après, tu mets YKW. YKW. C'est un hommage à mon écurie. Et voilà, t'as vu, on est ensemble. Comme je dis dans l'album, on sait que on est dans une ère où les rappeurs échangent d'équipe comme de slip. Tu vois ce que je vais dire? Et là, nous, vas-y, ça fait 4 piches qu'on roule ensemble, ça bouge pas, y a rien. Même si j'ai créé mon petit délire JP Gang, tout ça, c'est plus fraternel que business ou musique, tu vois ce que je veux dire. Donc YKW, quand on fait ça, c'est jusqu'à l'infini, ça bouge pas. Et bah allez-y, et le retour du son dans un instant, ce sera avec Gizmo après ça. JP Gang, c'est mais... Comme toi. Gizmo a lui aussi choisi Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Avec Gizmo, notre invité toute la semaine. L'album est dans les bacs depuis aujourd'hui. On le découvre entre 20 et 21 avant d'attaquer un live pour débuter cette semaine, Gizmo. Mais avant le live, on passe YW. On va passer YW. Et avant de passer YW, attends, je dis un truc vite fait. Vas-y. Ah, mais Gizmet et mes Gremlins. Le 20 décembre, je suis à Montpellier. Le 21 décembre, je suis à Marseille. Le 22 décembre, je suis à Toulouse. Le 23 décembre, je suis à Nancy. Le 26 décembre, je suis à Saint-Étienne. Le 28 décembre, je suis à Lyon. Et vas-y, encore d'autres dates qui arrivent. Encore un autre truc. Une grosse pensée dédicace à notre négro JJ, à Seco et à toute la div 1 de Fresnes. Gardez la pêche les frères, on est ensemble, ça bouge pas. Gang. Allez, on balance le morceau Y et W maintenant sur Skyrock. Ouais. Aïe aïe aïe. Sous le V, on est comme la coque, on va vous passer sous le nez. Y et W, vas-y, venez les soulever. On est comme la coque, on va vous passer sous le nez. Stoppez-les, arrêtez-les, les bas. Sont remplis de leurs artistes. C'est crade quand ils débarquent, prendre 2 milliards sous bureaucrate. Fils, pas compris, man. Yoni et Willy, ça fait bientôt 3 ans qu'on s'est dit jusqu'à la fille. Prends du grade, leur concu prend du matos. L'un est une arme, l'autre le chargeur avec les basses. Allez comme des cassos, mettez-moi les chiffres. Asie Willy, envoie la sauce. Et renvoie-les aux acédiques. Yoni va superviser. Pareil qu'il est super grillé. Ils ont misé sur moi pour que je vienne les pulvériser. Ah. Un gros Renoir et un gros feu. Qui dit mieux? Viens signer chez la ZS, la bienvenue, c'est 10 000 E. Willy veut les dominer. On lui dit Renoir, 10 minutes à rendez-vous. Tu vas faire une crise sardate, t'as rendez-vous dans 10 minutes. C'est pas mes chefs, c'est mes grands frères, bâtards. On est une meute de loups que les panthères cavalent. YKW, vas-y, venez les soulever. On est comme la coque, on va vous passer sous le nez. YKW, vas-y, venez les soulever. On est comme la coque, on va vous passer sous le nez. YKW, vas-y, venez les soulever. On est comme la coque, on va vous passer sous le nez. YKW, vas-y, venez les soulever. On est comme la coque, on va vous passer sous le nez. Kissy Yuzu, motherfucker. Wesh Jeff, mon gars. Willow et Vieux, enfoiré. Ça dit quoi? Gizmo, jusqu'à l'infini. Nia. Yeah. L-Boy. L-I-S. Cyclips, D-Max. Motherfucker. Scarlatès. Wesh Gegré, wesh monde des fous. Aïe aïe aïe aïe aïe, Feno, Jehan, on est ensemble, ça bouge pas cousin. Maya, ouais, rifle, ok. C'est Gizmo dans les bacs depuis aujourd'hui, que l'on découvre cette semaine entre 20h et 21h. Sur Skyrock, le morceau Y et W à l'instant. Ouais. Gizmo, on attaque le live dans quelques minutes. Ouais. Juste avant, et cette semaine, attention avec urbanlocker.com, vous repartez avec des bons d'achat de 100€. C'est pratiquement Noël avant l'heure. Pour tous les freestylers, avec la casquette aussi Vrong, la casquette collector 6 June, elle est pour vous. Et par téléphone, c'est Bugs Bunny d'Aurillac. On n'a pas parlé du concours Fredo que j'ai mis en ligne il y a a 2-3 jours là, et c'est un concours en fait où j'ai balancé la prod de Dans 10 ans partout, tu vois, sur mon Facebook, sur ma page YouTube, ils peuvent trouver ça partout. Et en fait, le concept, il est simple, c'est que peu importe s'ils chantent, s'ils font du slam, s'ils parlent, qu'ils racontent leur vie, un peu la conception du bordel, comment ce sera dans 10 ans, moi je vais tout écouter. Et jusqu'à mercredi soir, même dans la journée. Et ensuite, les trois gagnants, enfin j'en sélectionnerai trois, les trois meilleurs, enfin que j'aurais préféré, à mon humble avis, tu vois ce que je veux dire. Et ils viendront freestyler ici avec moi jeudi. Eh bah, terrible soir. Donc ouais. On a grosso modo, ouais, jusque continuer mardi... d'envoyer les trucs, ouais, mardi soir, mercredi matin, voilà. Dernière que limite. J'ai le temps quand même, tu vois, mercredi de me pencher un peu sur le bordel. J'ai déjà commencé à regarder 2-3 trucs. Donc c'est quoi, sur la page on peut retrouver toutes les infos sur quelle page la tienne? Ouais, sur Gizmo tout court sur ma page. Vous avez toutes les infos et venez rapper jeudi dans l'émission avec Gizmo entre 20 et 21. Bugs Bunny Doriac, ça va bien? Ça va, et vous? En pleine forme? En pleine forme, ouais. Et bah je te présente Gizmo, c'est notre invité toute la semaine. Salut, enchanté Gizmo. Bugs Bunny, t'as un bon blast, j'aime bien quand ça sort. T'es comme moi toi. toi c'est les Looney Tunes, moi c'est Gremlins. Ouais. On est un peu sur le même créneau. C'est un peu, ouais. Voilà, c'est ça, ouais. Impeccable. Et bah écoute, on va voir si t'es aussi bon que celui Gizmo. Celui qui charrie, nique-le. On t'écoute. Vas-y, vas-y. Allez, session freestyle par téléphone, c'est parti. Ok. Hey, le petit Bugs Bunny 1-5. Ça fait 1. Yo. Hey, regardez Pian, il a ses principes à défendre, méfiant dans les traumas, veut des sous-vides, plus bien de sous-vides dans l'estomac. Il sait que le moral est trop bas, c'est pas de morale, c'est bobard. Des loupards se blessent copiques, il veut grandir télescobar. Sous les coups de barre télescopiques, le petit veut réparer l'époque. Marche dans les pas des grands avec du cran pour épater les potes. La télescope sans télescope, il a ses pensées dans la lune, ses dépensées dans sa plume, sa mère. Il voulait de la saveur, c'est piqué dans la mer. Le petit a viscère dans la merde, il est coulé dans jaunis. C'est que le rap s'est pissé dans la mer en voulant que ça jaunisse. En deux roues dans les parages, il a la rage et des lacunes à fuir. Le petit veut pas des cams, il se cram et c'est un dur à cuire. Il veut pas fuir les thunes à venir, il est frère qui s'abîme, rêvant d'échelle au pied de l'abîme. En échec dans les études, l'avenir, il dit que les gros chèques c'est après. Il veut la paye du trompa, sans décrocher le CAP. C'est rappé, il fait craper au maximum pour ses rêves, sa meuf, ses chutes de keuf. Il est quasiment, mais quasiment à terre dans les occasions. Eh, il décrave une vie crade sans cohésion. Lésion affectueuse due à un père violent. Rouler faire du buzz, du père est insolent. Qui vend les insonances seulement. Si tu sais pas, tu oses. Il a fait 100 mètres du berceau, la vie c'est pas tout rose. Et il s'en mêle les pinceaux. Ouais, c'est la vie du petit, le petit du système D. Il a les crocs tout seul, génération futile. Avec son chrome de seum, le petit Bugs, aïe, aïe, aïe. Instant. Eh hey, Bugs, mon sou. Hein. Bugs. Ouais. Franchement, t'as arraché ça, Igo. Eh, je vais te dire. Il faudrait qu'il fasse le concours. Bugs. Non, tu vas pas faire le concours. Tu vas laisser ton mail, ton numéro de téléphone en antenne et on va t'inviter, t'habites où? J'ai déjà fait le concours, gros. Ah, t'as aussi fait le concours. Voilà, t'as gagné d'avance. T'habites où? J'habite à Aurillac, mais moi je peux monter à Paris quand tu veux. Sans problème. Ah ouais, moi. Jeudi, tu peux être là. Je laisse mon mail où, du coup? Bouge pas, au standard. Au standard. Jeudi, est-ce que d'accord. Tu peux être là? Ah, jeudi, je serai là, ouais. Ok, d'accord. Bah, vas-y, jeudi, tu connais, 19h45, devant la radio, rendez-vous. Eh ben, vas-y. Eh bah écoute, Bugs Bunny, bravo. En tout cas, félicitations, mon sauce, t'as arraché ça. Tu repars avec un bonnet et tout. Merde, gros, oh calme, franchement tu le mérites, frérot. Et on va te filer Fab. Et puis tu repars aussi avec urbanlocker.com qui te refait de la tête aux pieds avec bon d'achat de 100€, casquette Vrong, casquette collector, Sick June. Elle est pour toi et pour tous les freestylers cette semaine avec le site urbanlocker.com. Merci à toi, Bugs Bunny. Merci à vous. On te laisse, vérifie bien tes coordonnées avec Fab parce que ce soir, je sais pas, le mec est un peu. Ouais. Il est un peu chez père, donc. Donc dis-lui bien, prononce bien tout, je te le repasse en antenne. C'est pour toi, Bugs Bunny. A plus, ciao. Plus. Avant le live, Fredo, juste leur dire venez vous fournir, hein, tout si vous avez besoin de peu ça, c'est l'hiver, on peut vous équiper au calme. Allez juste sur la boutique officielle, vous allez voir les modèles, c'est juste un délire. C'est vrai qu'il y a des bons modèles là. C'est un délire, frérot. Pour que moi je m'habille tous les jours en YW, c'est que t'inquiète pas, il y a un délire. Bon, est-ce que tu es prêt maintenant pour le live? Je suis prêt depuis que je suis né, frère. Eh ben alors on y va. Session live dans Planète Rap, Gizmo. Gang! Oh! Gang! Oh! Gang! Gang! Oh! sors ma teub, sors ma teub, sors ma teub, sors ma teub, ouais. Oh. Poussé dans la merde, j'avais pas un clou. Tout est dans ma tête, je l'efface d'un fou. J'ai mes tasses de nuit et mes tasses d'un jour. Ça traîne dans la ville avec 4 d'un coup. J'suis dans ma tête, sinon j'habite pas 5 clous. Ça fait du peu les types tapent un foot. Azulé dans la street avec un tapin, j'roule. Ah ouais, j'le weed et puis j'pars d'un coup. On fait que du sale pour ramasser tout le wali. J'ai rempli les salades que mes demandes à Paris. J'ai vendu les grammes et j'ai épargné mon âme pour éviter les drames et les femmes que j'ai salies. Pistolet dans le sound system. J'suis de coffret, y'a que des gars qui craignent. J'suis dégoûté, j'ai pas tout écoulé. J'ai encore deux Yonklis et j'suis en bas, type faible. Lascar roule un joint de bœuf. On va délirer dans l'espace. C'est bouffe, on croit que j'ai besoin d'eux. J'ai des gaves assurées des chasses. Même pas en mesure des prix de frissons. Mais qu'on tient les murs et nique la prison. J'ai vendu la dure, j'ai fait des missions. Les grands de VLT me coffraient des litres. J'étais le guise de la trappe. Je connais le vice et la clame. On veut plus trimer sa race. On veut du bif et de la chasse. Oui, j'ai dealé de la frappe, j'ai empêché ma petite gueule. J'encule le rap dans ma zone à Villeneuve. Un contre 5 et sa mère, je single. Ça crée ma bonne, toujours pas de single. Gay. 9-4, ta jupe. Wesh Rico. Droxy. Galage. Ça bouge pas, les frères. Galage. Ils se lèvent. Allez. Gay. Aïda 2-6. L2C. On fait des aides, négro. Yeah. Skates. Skates. Yeah. Skates. Yeah. Skates. On fait des aides. On fait des euros. Yeah. Yeah. L2C. Jusqu'à la mort, kilomètre de pizza à notre actif. On donne un kilo, tu veux nous la mettre. Dis fais-nous, parle que tu fumes à TSP. Et dis à tes clicos, c'est par ici la peur. Il est temps de faire fructifier le jazz de la mise. T'as raison d'avoir peur pour ta mère. Le West, les snaps du ghetto lui a mis. Mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on sait. On a fait des bracos mais personne n'a su. Voler, dealer, taper des lascars. Désolé, mais tout ce qu'on fait, on l'a su. VLT, ça rap sec, vite, bref et fort. T'as la Victor Bell, fort. Génération, voleur de fort. Pompe pour devenir plus fort. Ah c'est l'heure, ici pour une erreur, on te repasse à l'âme. Un peu bon, tu tournes le dos, ça tire, bang, docteur Anselm. Ah c'est l'heure, ici pour une erreur, on te repasse à l'âme. Un peu bon, tu tournes le dos, ça tire, bang. Ah L2C, L2C, L2C, Valenton, L2C, Westline Po, Scarlettes, c'est comment. Gizzy, Gizzy, Gizzy, Gizzy. Ah, gang. Noam, Scarlates, D-Max, GP Gang, L2C, 9-4, mec. Essaye pas, voilà, essaye pas, frère. C'est off. Scarlates, Gizzy Ouz. Yeah, la rue, ça un jour, l'argent que tu touches qui te fait gagner ta vie. Le lendemain, une balle qui te touche qui te fait perdre la vie. L'homme a inventé la montre, tu as inventé le temps. Et seulement lui sait quand ton heure va sonner. Ra. Moi je suis pas le destin, mais je reste conscient que c'est mon fucking instinct qui m'emmènera vers ce destin. Yeah. Putain, la vie c'est un choix. C'est soit t'as la foi, de façon c'est chacun pour soi. Yeah. Avance droit, reste courtois, tais-toi. N'oublie pas que t'as aucun pote sur terre, si t'en as aucun qui peut tirer pour toi. Yeah. Façon de parler, j'ai plus de doigts. Je pouvais compter sur 10 potos, on m'a déjà coupé 6 doigts. Laisse le grogner. Mais si le lion quitte sa troupe pour une autre, quand il reviendra, il sera renié. Les derniers seront les premiers. Yeah. Préviens tes alliés. Mais le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Yeah. Petit, t'as tout ça à savoir. Partir le matin de bonheur, tu sais, ça se décide le soir. Yeah. Yeah. On veut des aides. YW. NMG. Yeah. Hey, who told you you gotta write a rap? I'm busting on the block like every day and every night. Ask my homie Uz. I don't sleep till I get K. Beat your homie Cash, I got the AK. Cops grab me, I ain't say shit. Try to call you, but you disappear. Fuck fake niggas, got my GP. Hey, we get green, it's amazing how we make hits so quick. And you're asking for a fit, but you're so weak. Hey, look, I practice in the steps and I'm finally ready. Niggas hated on us, but we still don't made it. Cops don't come here, cause they know we got the choppers, and then we really to use it on them. Gang, GP gang, man, we hard. Fuck, don't try to fuck with us, cause we gon' fuck you up in the worst way. Scala, Scala, Sunday, Lascar, L2T, Yeah, j'ai pris mon mic pour faire ce couplet. C'est sûr que les you vont m'écouter. On nous a dit que le rap c'était un chant, donc on est venu faire du blé. Roule avec nous, on va troller dessus. Pas le temps de te coupler. J'sais que les petites schnecks voudront me check et rêveront de s'accoupler, se fiancer. Mais t'aideront pour X raisons financières. Moi je veux du pif pour la mif, mais bon, qu'est-ce que les filles en savent? Trop hardcore pour qu'elles m'écoutent. Mais tu me redoutes. Pour Renoir qui tient la route et qui se la donne sans aucun doute. J'suis bon Renoir dans ce game parce que j'prends le rap comme un raté. La frappe de texte entendre, Chris comprenait que je vais le gratter. Lascar le haut gradé, quand il s'y met ses crades. Pour faire du rap de test, j'ai pas eu besoin de vêtements bladards. Ferme-la, laisse la place au petit ou tu vas te faire mêler. Si tu vois un grand rappeur en moi, bah c'est que t'es très malin. Wesh Duke, calage pour Akizi jusqu'au frère Malé. J'suis inutile pour vos oreilles, vous allez avoir malheur. Dis plus gang, on veut des Z, on veut des euros, et remettre tout le monde à zéro. Check. Tu peux pas voir le Gizmo. Non. Tu peux pas voir le Gizmo. Non. Non, tu peux pas voir le Gizmo. Tu peux pas voir le Gizmo. Tu peux pas voir le Gizmo. Tu peux pas voir le Gizmo. J'ai toujours vu mon grand frère porter ses couilles, dépanner la maman avec ses forces et ses douilles. Mais prenez pas des pédales, je suis pas marche, mais je suis ouf. Et tu peux ramener tes gars, tous tes potes, on les bouffe. Tes potes, on les troupe et 38 dans le zoo. Dis-moi, tu vas faire quoi si ça part en yeux coup. VL, tes potes, on peut. Tu peux faire fumer pour un peu moins dans un doux. Ça trigger la thèse, ça pique grave la cesse. Des trimards, des flicards, les petits crames la Z. Efficace, mais bizarre, les visages, des cistas, des primés, des schlags et des trimards, la thèse. Mais on est malade, pour dans la tessie. Prends ton vaban, nous, ta merci, t'es indécis. On peut faire du mal, dégage de là, espèce d'imbécile. Je deviens un rien, force de fumer de la résine. J'ai grandi dans les blocs de béton. Poto, la rue m'a charmé. J'ai fait du sale et puis je suis béton. Depuis que j'ai 15 ans, je suis cramé. J'ai déjà fait le tour du 7-7, le tour du 9-4, le tour du 9. Le tour des meufs crades, le tour des meufs qui voulaient qu'un Gizmo. Ah, et le tour des meufs classe, je veux mon bif et puis c'est tout. J'ai mes bastons, c'est mon secou. Me compare pas, c'est fou. Moi j'ai grandi dans la rue, je pacte avec les loups. Ah, je veux mon bif et puis c'est tout. J'ai mes bastons, c'est mon secou. Non, me compare pas, c'est fou. Moi j'ai grandi dans la rue, je pacte avec les loups. Gang. Yeah. Gang. Gizzy. T'es dans la merde. J'ai plus aucun temps à perdre. Mon gars va, t'es dans la merde. T'es dans la merde, j'te dis. T'es dans la merde, j'te dis. T'es dans la merde, j'te dis. T'es dans la merde. Porte le monde, j'ai pas de patience, les portes se font, les gars de ma bande, je tords le son, les portes sont mes fers, mais on a de l'avance, nous on passe par la fuggen again, à cela tu nous regueux, les gars, faut qu'on brasse, si tu me calmes, passe regueux, again, puis comme un renégat, scred dans mes déplacements, prennent qu'avec des cassos, mais s'il y a rien d'épatant, et je pense que la vie est belle, quand elle a taillé sa pipe, gros ins, gros cul, putain, j'ai oublié d'appeler la spip, je suis dans ma sphère, génération 91, piaf, bicraf. On a du détail, pas besoin de conches. Moi j'ai prié avec toi. Ma ville est avec moi. On a la haine comme dans la soie. Cousin, ma cité va qu'écras. On est harcelé dans nos baskets neuves. Si c'est des liasses qu'elles veulent, elles auront pas ce qu'elles veulent. Igo, je la touche pas si elle a pas de belle sœur. Et si elle me glace les yeux, bah je me fais sa belle sœur. Igo. Super Gangs, mais le Makala. Tout Makala. Poussin, c'est comment les gars? Yeah. Kenny Kane, baby! Yeah. C'est comment la rue? D-Max, a dope boy like never see that. D-Max is back with some new shit. Same niggas hating it, they won't get in my head. Just to find out my recipe, I appeal to your soul. If I detect that you're a traitor, so respect when you shake my hand. Be signed when you see my face. Bitches got the fat ass, fuck no latex. Cops come smoking my weed, I feel no stress. Haters watching my back, what a progress. Damn, but now I'm high like the half a tower. So the next who try to stop my chest, my gun will be over his head. Yes, I killed the B, that's an homicide. D-Max in this bitch, level certified. This chick so never satisfied, so they dramatize. Won't make a fit, you ain't qualified. Let me drink my wine, you be terrified. Be time till I die, I can certify. Only real niggas in my gang, so come and verify. We make some great out and yeah, we smoke some good pie. Gang. gang. Gang. Bang bang. Scar là. Yeah. Deal. Renoir. La vie c'est soit tu marques l'histoire, ou soit mes histoires te marquent, je me démarque de tous. La scarte de thèse, la nouvelle marque du rap. Préparez-vous, mandat Gizmo, ce qui vient vers vous, c'est pire que la fin du monde. Si ça pète, personne peut rater ce rendez-vous. Et la S, c'est RS, je représente ceux qui font peur à l'état qu'on passe le cas. A défaut de trancher, on fait ce qu'il faut, mais ça les étonne. Alors MC, LD, LD, LDT, alors MC. LD, LD, LDT. Sur des villes sombres grises, paraît-il, tu pourrais pas tenir une heure. Que des meneurs, nos mineurs sont galbétés, d'irineurs. C'est sûrement un de mes renards qui vient de tourner ton runner. Dans le rap, j'écoutais plus personne. Quand c'est fume l'automne, c'est vénère. Aujourd'hui, je suis méfort, putain de pirate vénère. C'est pas un tuteur, mais un pompe qu'on utilisera pour te finir. VLT que des microbes et des brûleurs de micro. Donc si t'appelles 2x18, on finira tous en 36. Yeah. Ah. Ouais. Ça peut peur à toute la night. Ça peut peur à toute la night. Dans ma ruche. Yo, yo, yo. Check. J'sors de mon zoo avec un zoula à la bouche. Pas de ceux qui se foutent droit à la ch'touffe. Moi j'me soulage à la douce. On passe du courage à la frousse. Tant de frères qui nous ont quittés. Gangsters souvent impliqués dans le stress et dans les cités. Gang, père, j'essaye d'exister sans faire de débilité. J'dis ça parce que j'ai fait rimer grande bière et nécessité. On n'a pas le temps à tout vous dire. On crame l'Afghan. Ça taffe quand vous pioncez, mec. À coup sûr, on passera devant. Dites-moi, hey, où sont les fils de ceux-là que j'arrive et que j'puisse mon venin sans arrêt. On vise le cieux car j'veux plus que ce dont j'ai besoin. Ouais, c'est toujours plus, toujours luxe, plus pour brux, toujours frustré. Le tout pour le succès. Pédave mon spleen, le repousse au lendemain. Tu t'interroges sur mon trip, je te raconte que quand je reviens. Wow, wow, on en est où? Gros flow, rendez-vous trop haut. Je leur inflige des bobos, même sans les coups. Motherfucker, j'ai le truc qui peut disloquer la nuque. Vaut mieux pivoter, si tu t'isoler pour rigoler de ma chute. Baby, pourquoi tu casses les couilles? Ces petites brunes, c'est que des petites putes, des vides burnes, à qui je fais des crasses, c'est tout. Elle de ses mensonges, Lascar et VR, s'il y a des bâtards qui m'énervent, on a des plates bagues sur les mers, ok. Bâtards et des perroquets, dans mon panorama, je suis déjà bousillé moralement, je veux tout ce que c'est ça, le ramasse. J'ai vraiment besoin d'un calmant, robier avec un camas. Je sais pas si je rappe salement, mais je rappe que des trucs salaces. Oh, et ma petite gueule, ça sort de Villeneuve, dis ce que tu veux, j'ai pris le seum, mais t'es pas le big gun, bang. Ouais, je passe tous, zéro. Aïe aïe aïe, tout H5 mon pote. Rebenga, garde la pêche enfoiré. D-Max, gang. Oh, she got the hairy fry. Yo, I'm still the same dude, hanging with the same clique. Got some couple hitters, couple dealers, and we banging. Dream of game money, some of them never have to worry. We, but now we're in the street where the niggas wanna hit. So we never hesitate, we gon' catch you where you think it's safe. Got no black cards, wear a mask when I work your ass. Put no condom if I smash that ass. She's gon' lick my balls, my dick in the mouth. Swallow hold the comb, I never call her back. If she got beat down, got my back. Roll into the city with this smack, bitch, you know the deal. I'm ready back this time, wear my back ahead so you can see the style. That's a hard night, so I can see the light. Beat down, beat down, beat down. We were like beat down. When try to work my team, we song like titans. I'm showing them the stuff, but they still work. They look my finger, damn. Time moving fast, not the younger pull the trigger, man. Why they walk your ass? They smile at you like it's your birthday. You afraid? Wanna see the crime move like an earthquake? I can die for my gang. More money, more weed, more pussy, more enemies. So we buy more Uzi. Think about some hot night. Sitting in the dark for my ghost fest. Listen, ghost face, Jizzy Killer came. It's all about the money, right? That's why we are selling, right? Ride around in Paris with the semi. They try to clap me, gang. Keep the game, man. Young boys, Eclipse, La Suite, 9-4. Yeah, yeah. Oh, cousin, je vais avoir 24 ans, je suis plus un gosse. J'aime bien ton instru, Hugo. Mais bon, sors ma top, sors ma top, sors ma top, sors ma top, ouais. Sors ma top, sors ma top, sors ma top, sors ma top, ouais. T'as le permis de sucer, j'ai le permis de tracer. Je vais tout arracher, ton tarp est à tracher. Je veux baiser, je veux baiser, je veux baiser, je veux baiser. Je veux baiser, je veux baiser, je veux baiser, je veux baiser. Sors ma top, sors ma top, sors ma top, sors ma top, ouais. sans ma tub, sans ma tub, sans ma tub, sans ma tub, ouais. Tu peux pas avoir le gizmo si t'es pas dans les vrais coins. Des fois je baisse, des fois je tisse trop. Des fois je dièse, des fois je dis de moins. Je suis un de ces négros qui a tout pigé. Maille sur le déco, j'ai tout cricté. Barrette de bédo, ramène le cello. On raquette le zéyo et vous quittez. Valentin, c'est pas comme dans les films. C'est pire que Boys in the Hood. Ça ressemble à Resident Evil. Des zombies, des problèmes de flouze. Des centaines de fous, une gamberge de youf. Des gangsters qui t'enterrent, qui encaissent le flouze. Tu t'entêtes, t'es wanted sans penser au plan. C'est tu passes du bon temps, mais c'est quand même le zoo. Higo, tu connais ma façon de vivre. Joint de frappe spatiale. Tu connais ma façon de kiff. Le vrai Jack spatial. Faut du fric, alors ça deal. Même dans un froid glacial. Y'a des armes, y'a des outils. Mon négro, ça sera sale. Ok, comment faire des sous? Comment faire des billets? Comment se faire une fouffe? Et comment la déshabiller? Faut juste être comme nous. Beau gosse, bonhomme et stylé. Présent au rendez-vous. On ne sait jamais défiler. Moi, d'enfant, que c'est pas fini. J'suis meilleur que tous ces autres rappeurs. Si, si, Gizzy, Gizzy, ex-dealer. Avec un flow de rappeur. Mais c'est quoi cette chabine? Je m'en lèche les babines. Elle est bien cambrée, je vais la serrer comme dans une boîte à sardines. 6h du match, la tartine. 8h du match, la tartine. 9h du match, lui dit dans 15 minutes, faut que tu sois parti. Chant ma teub, chant ma teub, chant ma teub, chant ma teub, ouais. Je lui sens ma teub, je sens ma teub, chant ma teub, chant ma teub, ouais. T'as le permis de sucer, j'ai le permis de cracher. Je vais tout arracher, ton tarpet à tracher. Je veux te baiser, je veux te baiser, je veux te baiser, je veux te baiser. Je veux te baiser, je veux te baiser, je veux te baiser, je veux te baiser. Faut pas te prendre la tête et tu sais ce qu'on va faire. Je te la mets devant et je te la mets derrière. Ouais, je pars en impro parce que je suis un sadique. Je viens du 9-4 et je nique le sale flic. J'en présente le GP, je m'en bats les couilles debout. Vos tasmés sont tout autour de nous. Où l'île barge par Rigaud, tu connais, c'est la tape pas. Pas les couilles, je suis un mec de Carda. Je représente la scarté, c'est Marceno AM. On vous viole, on vous baisse, on vous viole, on vous craigne. 9-4, c'est trop facile. Bang, bang, bang. C'était la session live dans Planet Rap avec ce remix. Jeff, Jeff, we love you, we love you, we love you, Jeff. Voilà, on n'a pas oublié tes Nike, négro, t'inquiète. Ce remix signé Gizmo à l'instant. Sur ouais, ça bouge pas. Et encore une fois, moi, je suis pas dans les histoires de clash. Ah oui, allez pas chercher encore. C'est mon gars, j'écoute même son album, j'ai pas honte de le dire. La crime. J'aime beaucoup. C'est une instru de malade, le refrain intact. C'est un truc de gamin, on est des grands gamins, on a fait un truc de gamin. En tout cas, dédicace à la crime, Inch'Allah, que ça continue bien pour lui comme ça et on est ensemble, ça bouge oui, pas. Et puis ne voyez pas des clashs partout, c'est pas ouais, parce que tu prends un instru ou une instru que. Voilà. Non, on a plus 5 ans, frère, ça y est, tu connais. C'est pas pour clasher qui que ce soit, voilà. De temps en temps, ça peut être un hommage, c'est un hommage signé Gizmo. Voilà. En plus, regarde, pour, tu me dis clash, clash. Moi, j'ai créé un truc là, c'est un peu délicat, mais je leur ai dit carrément, depuis que Caris il fait du rap, Booba il fait une thérapie. Ouais. Je vois le délire, c'est ouais. Pour te dire que vraiment je suis détaché par rapport à ça et je m'en bats les couilles, je tourne même ça à la rigolade, tu vois. On va rappeler que Thérapie est producteur, hein, c'est pour ça ouais, que je ne pas aussi toutes les histoires et qui nous écoutent. Voilà, Thérapie est le producteur, d'où cette punchline que tu as sortie, Gizmo, à l'instant. Ouais, ouais, ouais. Et puis il faut savoir aussi de temps en temps prendre du recul et savoir un peu rigoler. Toujours, quoi. Toujours. Il faut savoir toujours. Souffler un peu. On peut rire de tout, faut le exactement. Faire. Avant de se quitter, on fait tourner la roulette, c'est parti. C'est ça. Skyrock t'offre la nouvelle compil Urban Music non-stop, plus des chèques cadeaux de 80€. Salim de Lyon, ça va bien Salim? Ouais, ça va. En pleine forme, salut, je te présente Gizmo. Et bah voilà, je te présente Gizmo avec nous tout à l'heure. Enchanté Salim, mon pote. Ça va, tranquille? Ouais, au calme, hein, tu connais. Toujours. Dans ma ruche, l'album. Le roi du freestyle. Hein. Roi du freestyle. Dans ma ruche, l'album est dans les bacs depuis aujourd'hui. Et toi, Salim, tu viens faire tourner, on y va? Allez. La roulette tourne. Et va s'arrêter sur la case, c'est. Eh ben voilà, 80€ en bon d'achat pour acheter absolument ce que tu veux là pour les fêtes, ça va faire du bien. Et l'album Skyrock Urban Music Non-Stop pour retrouver tous les sons du moment, c'est pour toi. Ah, c'est parfait, je peux faire une petite dédicace? Vas-y, on t'écoute. Ouais, je dédicace à Kevin, à qui j'écoute souvent du Gizmo, posé. Et puis à ma meuf qui m'attend là parce que je dois au resto. Alors vas-y, c'est quoi, tu lui payes quoi? C'est pour la bonne cause. C'est quoi comme resto? Comment? Vous faites quoi tous les deux comme resto? C'est un petit bar à tapas. Un petit tapas. Pas mal. Tapas, ça passe. Posé. Tapas. Merci à toi, Salim. Merci beaucoup. Bonne soirée, Salim. Ciao, et bon tapas, mon sauce. Ouais, bonne soirée, allez. Bon tapas. Avec ta nana et parents. Bon, c'est pas trop gang, mais voilà, c'est bien quand même. Bah, c'est bien. Tu bars à tapas. Ouais, ça va. Petite caipirinha, un petit truc qui glisse tout seul. Petite tequila frappée, un petit truc comme ça, non? Guise. Bon, avec modération, je le rappelle. Merci en tout cas pour cette soirée. Tu reviens demain? Ouais, demain je suis là à l'heure. Oh, bah, comme d'hab, entre 20 et 21 avec ton album. J'ai eu déjà 2-3 retards, mais c'est rare. Ouais, des choses qui peuvent arriver. Exact. Mais demain, je sais que tu seras à l'heure. Avec l'album Dans ma ruche qui est dans les bacs depuis aujourd'hui. On va retrouver... Dans ma ruche depuis aujourd'hui, bébé, va pécho. On va retrouver 10 foules maintenant. Ouais, Gizmo, ouais, Fredo. Ça va? Ouais, mon gars. Ça va? Au calme ou quoi? Ça va, au calme. Ça fait toujours rigoler quand j'entends Fredo qui dit avec modération. Ouais, ouais, non, mais Fredo. Tu m'as dit quoi? Non, ça fait toujours rigoler quand j'entends Fredo qui dit avec modération. Avec modération, hein, Fred. Mais c'est faut qu'il dise ça à Marie. C'est ma devise. Oui, ouais, ouais, non, mais attends, non, mais ouais, attends. T'as la Dream Team, hein. Non, ouais. Mais là, c'est clair. Entre Fred et moi, si tu veux, il y a bataille. T'as les champions, là. Ça ouais, c'est ça. Ça va, l'équipe. Ça va. Et toi, Gizmo, t'as l'air en forme. Ouais, ouais, au ouais, calme, je suis là. Hein. C'est marrant le remix, ça faudrait que nous le refasses dans la semaine. Ah, ouais, c'est drôle. Je vais passer sortir ma teub dans vos locaux, t'as fait. Sympa. Ah, Marie est contente. Non, mais lyricalement, lyricalement. Oui, voilà, je préfère. Lyricalement, c'est mieux. Pour Lauriane. Oui, très bien. Bon, bah demain, Gizmo, t'es avec nous dans Planète Rap. Je suis là. 20h-21h, t'es avec ouais. Fred. Planète Rap, et bien rendez-vous demain. Et là, attention, c'est parti. On a Thomas Gijol qui vient nous rendre visite d'ailleurs ce soir. Ah, je suis en mai. Il est sympa, Thomas Gijol. Passez lui bonjour de ma part, je l'aime bien. Eh yes. Ben, on lui transmettra ton bonjour. Et je vais écouter, si tu le fais pas, tu vas voir. Il arrive. À 10h30, enfin dans ces eaux-là, il sera là avec nous ce soir. De toute façon, il passe avant minuit, vous pouvez tous passer dans l'émission. Eh, jeudi, je peux passer faire du sport LK Romano. Tu veux faire du sport LK Romano? Ouais. Alors, je vais interroger. C'est une bonne idée. Immédiatement, le prince du hip-hop, Romano. Faut voir. Ouais, The MC. Ça va, tranquille. Au calme. Non, mais problème du moins, moi, de SMB, j'ai. Ouais, je sais que t'aimes bien, ouais. Bah ouais. On fait comment, t'es d'accord? Est-ce que tu veux te faire torturer, Romano? C'est la question que se pose. Non, je vais réfléchir. Ok, d'accord. Bon, merci Gizmo. Bah, ouais, écoute, merci on te retrouve déjà dès demain soir. Yeah, yeah. On sera là avec toi. Et donc, un petit Sopra pour démarrer. Yeah. On écoute Fresh Prince. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Allez, glaçons pour tout le monde et Radio Libre en direct. Bonne soirée, la famille. Salut Gizmo. Salut Fredo. Ciao, ciao. Et on vous attend dès maintenant. Vous pouvez nous appeler 01 53 40 30 20. Toute l'équipe est là, toute l'équipe vous attend. Yes. Cédric, Lamari, Samy, Romano, Karim, Momo. Et puis, bah, petit soprano tout de suite. Un petit glaçon, Fredo. Hein. Yes, un petit glaçon pour la route. Ciao, ciao. Et à demain, à tout de suite. Radio Libre sur Skyrock, c'est parti.